Osée chapitre 10. Israël est une vigne déserte, elle ne fait de fruits que pour elle-même, il a multiplié des autels selon la multiplication de son fruit, selon la bonté de leur pays, ils ont embelli leur statut. Il a divisé leur cœur, ils vont être traités en coupables, il abattra leurs autels, il détruira leur statut. Car bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, parce que nous n'avons point craint l'Éternel, et que nous ferait un roi? Ils ont prononcé des paroles, jurant faussement quand ils ont traité alliance, c'est pourquoi le jugement germera sur les sillons des champs, comme le fiel. Les habitants de Samarie seront épouvantés à cause des jeunes vaches de Beth-Aven, car le peuple mènera deuil sur son idole, et les prêtres de ses idoles, qui s'en étaient réjouis, mèneront deuil, à cause que sa gloire est transportée loin d'elle. Même il sera transporté en Assyrie, pour en faire présente au roi Jareb, Ephraim recevra de la honte, et Israël sera honteux de son conseil. Le roi de Samarie sera retranché, comme l'écume qui est au-dessus de l'eau. Et les hauts lieux d'Aven, qui sont le péché d'Israël, seront détruits, l'épine et le chardon croîtront sur les autels, et on dira aux montagnes, couvrez-nous, et aux coteaux, tombez sur nous. Israël, tu as péché dès les jours de Giba, ils s'y sont arrêtés, la bataille qui était contre les pervers, ne les empoigna point à Giba. Je les châtirai selon ma volonté, et les peuples seront assemblés contre eux, parce qu'ils se sont attachés aux deux objets de leurs amours. Ephraim est comme une jeune vache bien dressée, qui aime à fouler le blé, mais j'ai méprisé la beauté de son cou, je ferai qu'Ephraim tirera la charrue, Juda labourera, Jacob rompra ses mottes. Semez-vous à la justice, et vous moissonnerez selon la gratuité, rompez les mottes de terre, car il est temps de rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et fasse pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labouré la méchanceté, et vous avez moissonné la perversité, vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu as eu confiance en tes voies, à cause de la multitude de tes hommes forts. C'est pourquoi un tumulte s'élèvera parmi ton peuple, et on saccagera toutes tes forteresses, comme Salmon saccagea Beth-Abel au jour de la bataille, où la mère fut écrasée sur les enfants. Bethel vous fera de même, à cause de la malice de votre méchanceté, le roi d'Israël sera entièrement exterminé au point du jour.